OK, ce soir, numéro 1, 138, mauvaise bonne décision. C'est difficile de mêler ces deux mots-là, mais il faut vraiment comprendre que bien des gens ont émané des idées pour travailler, des idées pour partir un projet, des idées pour communiquer de l'information à des amis ou à des gens, dans le but, évidemment, de bien les conseiller. Tu devrais la marier, elle, il me semble qu'elle te ferait. Tu sais, toutes sortes de bonnes idées qui finissent par être des mauvaises idées ou qui sont mauvaises à la base, mais qu'on pense être des bonnes idées au départ. Qu'est-ce qui peut se passer chez un individu pour prendre une décision sur une idée qui va s'avérer a priori bonne, mais qui devient ou apparaît comme mauvaise éventuellement dans le temps? Quand j'ai dit à mon père, quand j'étais jeune, j'ai dit, moi, être astrologue, mauvaise idée. OK. J'ai fait à ma tête. Il fallait que je transforme la mauvaise idée qui était perçue comme étant une bonne idée. Et pour ça, bien, il fallait faire comprendre à quelqu'un que ce qui était une mauvaise idée pour lui, ça pouvait être une bonne idée pour moi, même s'il était convaincu pendant de longues années que c'était une mauvaise idée. Vous voyez que la perception ou la lecture que les gens ont de ce qui est une bonne idée est très relative selon vos systèmes de valeurs et surtout selon le type de contenance que vous avez. Une bonne idée, c'est peut-être une bonne idée pour quelqu'un, et puis ça peut être une mauvaise idée pour un autre. C'est facile à comprendre parce que l'autre n'a pas les mêmes objectifs de réalisation. Donc, la bonne idée, c'est relatif. Et c'est le caractère relatif de la bonne idée que je vais étudier ce soir. Une personne dit, moi, je veux travailler là-dedans. C'est une femme, elle veut conduire un camion, elle veut conduire un camion d'ambulance. Il y a 40 ans, ce n'était pas une bonne idée. Aujourd'hui, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on demande quand on a une idée? On demande de la compétence. On demande de la permanence. On demande de pouvoir s'adapter aux différents climats de compréhension nécessaires selon l'évolution du marché, selon l'évolution des gens avec qui tu dois t'adapter. Conduire une ambulance en Afghanistan, puis conduire une ambulance à Montréal, ou conduire une ambulance à Saint-Jérôme, Saint-Agathe, c'est pas le même contexte. Il y a des niveaux de difficulté. Et à compétence égale, tu peux être incompétent dans une région parce que l'environnement est plus exigeant dans un endroit que dans un autre. Qu'est-ce qui fait qu'une bonne idée est une bonne idée? Première chose, vous êtes capable de contenir. Contenir, c'est très, très, très, très relié à la fameuse compétence que je parle. Vous êtes compétent, vous avez une possibilité de dire aux gens, « Ben moi, j'ai déjà fait ça, pour être capable de faire ça, que vous me demandez, ce que vous avez comme exigence, j'ai déjà cette expérience-là. » Donc, il faut avoir un minimum de véhicules sur l'idée qu'on a. Ensuite, bien, si on parle de compétences, on parle évidemment d'une idée qui va être capable d'évoluer. Si vous êtes capable de faire évoluer votre idée, c'est que vous avez une capacité d'adaptation. Quand on déménage, on est obligé de s'adapter à un milieu. On est obligé de s'adapter à un autre type d'environnement. Il y a des voisins, il y a un milieu qui est déjà établi. Et puis, quand vous évoluez, souvent, vous allez vous placer dans des champs d'expertise et aussi dans des champs d'influence. Il vous faut un champ d'expertise qui évolue, donc il faut que vous soyez capable d'étudier avec beaucoup de constance sur ce qui doit éventuellement devenir une réalisation. Parce qu'une idée, ce n'est pas complet parce que tu penses, c'est complet parce que tu réalises. Plus tu es en mesure de réaliser, plus tu es en mesure de dire que tu as une bonne idée. Mais si tu as une idée qui ne se réalise jamais, c'est une mauvaise idée. La concrétisation de l'idée établit sa qualité. Es-tu mauvaise, mon idée? Es-tu bonne, mon idée? Est aussi mauvaise que tu ne fais rien avec. parce que là, ça devient... Moi, j'ai des guitares chez nous, puis j'ai des carabines chez nous. J'utilise pas mal plus mes carabines que mes guitares. Donc, les guitares, c'est une mauvaise idée? Oui, c'est une mauvaise idée. Qu'est-ce qui peut faire que je la récupère en bonne idée? Bien, ça décore les murs dans ma chambre. Dans la mesure qu'il faut qu'ils soient belles, les guitares, là, hein? Ça entend que, dans la mesure que c'est un bijou que tu regardes, puis que ça stimule ton intérêt de te lever le matin, là, c'est la première chose que je vois en me levant. Les guitares à gauche, puis les carabines à droite. Bon, mais il y a définitivement une qui est utilisée, la carabine, et puis la guitare qui n'est pas utilisée, ça, c'est la mauvaise idée. Je suis bien à vivre dans un monde où c'est le bien d'un bord puis le mal de l'autre, façon de parler. Donc, c'est sûr que si on parle d'une relativité dans le sens de la bonne idée, donc de la bonne décision, on sous-tend que contenir, c'est une base, par le biais d'une forme quelconque de compétence, et que d'évoluer avec l'idée et favorise aussi une adaptation, c'est vital. Il faut aussi de la permanence. La permanence, ça doit passer l'épreuve du temps. Est-ce que c'est un fly-by-night, ton idée? Est-ce que c'est quelque chose qui fait simplement te passer par la tête, puis c'est un envie que t'as, une vibration qui te passe? Ou bien il y a une permanence? Une idée peut... Dans ta décision de faire un achat, exemple, vous allez décider d'acheter un commerce, vous allez décider d'aller travailler dans une zone quelconque, il faut que la permanence soit liée à un encadrement. Si vous êtes capable de vous l'encadrer, ça va. Si j'ai acheté des guitares et je ne les utilise pas, mais qu'à un moment donné, j'ai acheté des échos, puis sérieusement, je m'embarque à écouter les vidéos que j'ai achetées. Là, il y a un encadrement qui s'installe. Si l'encadrement s'installe, ça risque, dans le phénomène du temps, de devenir une bonne idée et cohérente par le fait que c'est encadré. Mais si la guitare est là, puis que je n'écoute pas les DVD que j'ai achetés, puis que ça devient une mauvaise idée intégrale. Bon. Là, j'ai des ingrédients qui me démontrent que c'est très relatif d'avoir une mauvaise ou une bonne idée. Il n'y a pas personne qui va s'investir, qui va s'engager dans une idée qui pense qu'elle n'est pas bonne. OK? On part de là, là. Donc, si vous avez une idée, vous dites « Ah, bien, moi, ça m'enthousiasme faire ça », jamais vous allez commencer à mettre de l'énergie dans le process de l'affaire. Jamais vous allez vous investir dans quelque chose que vous pensez que ce n'est pas une bonne idée. On s'entend à ce point-là. À moins que vous soyez profondément maso. Et si vous êtes profondément maso, vous avez des idées pour vous faire plaisir. Donc, c'est des bonnes idées d'avoir une mauvaise idée. OK? On s'entend là-dessus. Parce que, tu sais, il y a tout ça, le monde, sur la planète. En tout cas, moi, j'en ai rencontré pas mal. Du monde qui voulait se faire souffrir. Vous disait, bon, si je peux trouver une bonne idée qui va être une mauvaise idée, il me semble que je vais pouvoir en faire chier une gang. Bon. Partons du principe que vous êtes du monde normal, vous n'êtes pas maso, et que vous voulez absolument avoir des bonnes idées qui vont donner effectivement des résultats qui vous donnent satisfaction. Donc, on part du principe qu'une bonne idée, ça a son point culminant dans la réalisation. Tout le monde veut avoir des idées qui se réalisent, donc qui donnent un résultat que vous allez qualifier pour vous autres de positif. Ça revient... Là, la situation du résultat, ça revient à une compréhension et une lecture qui vous est personnelle. Ça, c'est très important. OK? J'ai été tirant en fin de semaine, j'avais une compétition. Et puis, je tirais avec ma 308, puis habituellement, je suis capable d'aller chercher des scores de 200, 220. Là, 100, 150, je ne me souviens plus trop, en tout cas, c'était pas gros. Et j'avais dans mon lot de balles, des balles en nickel que j'avais rechargées, évidemment, qui étaient éparpillées dans mon box de choses. Puis les autres, c'est toute la balle de cuivre, la douille de cuivre. Les autres tiraient bien. Puis quand j'arrivais sur la balle de nickel, elle me tirait ça 3 pouces à côté. Je tirais sur une cible, puis je tapais dans l'autre. Pas trop de santé, ça. Fait que c'était une mauvaise idée pour moi d'avoir reloadé mes balles de nickel. Et je ne le savais pas. que ça, une douille en nickel. C'était pas facile à reloader et que ça pouvait avoir des réactions assez bizarres, surtout en compétition. J'aurais aimé ça, pratiquer avec ces balles-là, ça aurait été mieux, parce que j'aurais dit, oups, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous pouvez prendre des bonnes décisions, comme exemple, aller tirer en compétition, papa. Puis ce qui devient mauvais dans votre chose, mettez ça sur le dos de l'expérience. Plutôt que de dire, j'ai fait une erreur, vous dites, j'ai fait une expérience. Et là, la mauvaise expérience s'intègre dans une bonne idée comme étant classée étude. Si vous prenez ça mal, dites, ah ben j'ai perdu ma compétition parce que je n'avais pas des bonnes balles, bien là, tout est mauvais. C'est pour vous faire comprendre que la lecture que vous vous faites d'une expérience difficile dans une bonne idée peut vous faire perdre l'équilibre et la cohérence nécessaires pour continuer votre idée, votre bonne idée qui est à la base une bonne idée. Vous avez mis de l'énergie, du temps dans une bonne idée, mais à cause d'une mauvaise expérience, vous pouvez tout défaire. Donc, si vous êtes très, très, très susceptible aux mauvaises expériences, votre vie va, dans l'ensemble, perdre sa cohérence, puis vous allez souffrir toute votre crise de... T'es pas supposé dire ça, là, du montage. Toute votre vie. OK? C'est trop latin, hein? Conséquemment, ce qui devient relatif dans l'expérience du mauvais ou du bon, le mauvais et le bon, c'est des lectures. Il pleut, il faut qu'il pleuve, il faut que ça pousse. S'il fait soleil tout le temps, vous allez avoir des problèmes de sécheresse, puis des problèmes de coups de soleil, puis de cancer de la peau, puis de l'équipe. Fait que le soleil seulement, c'est pas intelligent, puis la pluie tout le temps non plus, mais l'alternance entre les deux, c'est nécessaire. Donc, si vous avez a priori, dans une bonne idée, des décisions qui doivent se prendre sur lesquelles vous n'avez pas l'expérience, il faut que vous ayez une marge de manœuvre pour considérer que cette expérience-là, qui va être des échecs ou des situations ambiguës, disons, c'est nécessaire. Et à partir du fait que vous acceptez que c'est nécessaire, vous allez garder une attitude évolutive, donc une attitude qui va s'adapter à l'expérience de vie, de l'idée et de sa réalisation. Il n'y a personne que je connais dans ma vie, puis j'en ai vu du monde, je peux vous le garantir. J'ai vu dans ma vie qui faisait des choses parfaites. Tout le temps. J'ai vu des gens qui finissaient par faire des choses qui étaient satisfaisantes pour eux autres et pour certaines personnes dans leur environnement, mais que, perçu comme « je suis satisfait », c'était une bonne idée et un bon résultat. La bonne idée pousse au résultat. Donc, on s'attend à un résultat selon nos besoins et non pas selon le besoin du voisin. Moi, je suis très satisfait d'avoir vécu dans le monde de l'occulte, dans le monde du caché, pour arriver à la science qui m'a été donnée avec le biais de Bernard de Montréal, à trouver des niveaux de lecture, des niveaux de compréhension de la vie qui sont très larges et qui ne sont pas à portée de tout le monde. Parce que les gens que je côtoie, souvent, ça fait au-dessus de 20 ans, puis ils n'ont pas... Ils n'ont pas encore compris le niveau de la conscience au niveau de qu'est-ce que les forces te font faire. Parce que parler comme je peux parler, c'est clair que ce n'est pas de la mémoire, mon cas, parce que je ne sais pas ce que je vais dire dans 5 minutes, je ne sais pas ce que je vais dire dans 30 secondes. Je me fie sur le fait qu'il m'habite pour me faire parler. OK? Si vous n'êtes pas capable d'en arriver à parler 8 heures de temps sans arrêt, c'est parce que vous n'êtes pas habité. Vous êtes avec votre mémoire, puis votre mémoire est saturée ou est placée dans un climat de, comment je dirais ça, de possibilités d'échange relatifs selon ce que l'autre a comme système de valeur qui accepte de vous. Moi, que tu aies le système de valeur que tu as, je vais être capable de parler 8 heures de temps, même si tu ne comprends rien. Vous me suivez? Fait que si tu es avec un individu qui conditionne le débit de ta parole parce qu'il comprend, bien, tu vas voir que si tu pognes le fond de son être au niveau de l'expérience de vie, au niveau de la connaissance, quoi que ce soit, bien là, tu vas arrêter de parler parce qu'il ne dira pas oui, tu sais. Tu sais, il y a quelqu'un qui t'écoute, tu t'attends à ce qu'il dise oui. Mais moi, je peux avoir une salle complète qui dit non, puis je vais continuer à parler. Vous savez, parce que c'est pas moi qui parle, ça parle. Bon, l'évolution d'un individu dans les bonnes décisions, habituellement, on va dire, bien, cet enfant-là, il est efficace, il est productif, il a toujours des bonnes idées, il prend toujours des bonnes décisions, sa vie, ça va bien. OK, il y a une belle vie karmique. Il faut s'entendre là, que si c'est un petit génie, là, c'est karmique. Tu sais, tu vois des enfants, là, ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, puis ça chante. C'est hallucinant comment ça chante. Mais il y a un caractère qui va avec le fait d'être un petit génie. C'est pas accepté un petit génie partout. Papa et maman, ils sont bien contents. Mais papa et maman, des fois, ils sont dépassés par le petit génie. Puis le petit génie, il est récupéré par la masse. Il est récupéré par les gens qui veulent en faire une bête de cirque. Fait que ça peut être une bonne idée, une bonne décision, mais ça peut déranger. Il faut que vous soyez capable, pour établir une permanence dans vos idées, de choquer. Il faut que vous soyez capable de choquer. Il faut que vous soyez capable. Parce que choquer, ça impose un rejet de votre environnement vers votre personne. Souvent, vos bonnes idées ou vos bonnes décisions vont installer de la jalousie. Et c'est la vie. Jalousie égale obstacle. Jalousie égale confrontation. Égale rapport de force. Tout ce qui est possible pour un jaloux de faire pour vous encaner, vous limiter, vous restreindre, va être essayé dans la mesure de votre rayonnement. Plus vous rayonnez, plus vous êtes envié, plus vous êtes jalousé dans l'acte, plus vous allez avoir des obstacles proportionnels. Puis des fois, ce n'est pas exprimé. La pire des obstacles, c'est ceux qui ferment leur boîte, ceux qui ferment leur gueule. Ils ne veulent pas le dire parce qu'ils ne veulent pas se faire dévoiler, parce qu'ils pourraient se faire neutraliser. Ils ont peur de l'intelligence. Ils ont peur des gens qui ont du génie. Parce qu'ils vont dire, ouais, s'il est bien intelligent, il peut m'en envoyer une. Si moi, j'en envoie une, il va m'en envoyer une aussi. Et je peux vous dire qu'une bonne idée, c'est accompagné souvent, pour la réalisation, d'une force de guerre. Je suis devenu guerrier avec la vie, puis j'ai compris que cette puissance guerrière-là que j'alimentais, et que je continue d'alimenter, et que je vais continuer jusqu'à ma mort, c'est pour faire face à l'obstacle. Et l'obstacle est souvent humain, souvent humain. Souvent parce qu'un être humain, malheureusement, c'est un animal. Puis un individu qui s'acharne sur votre cas, c'est comme un animal qui vient de trouver une pièce de viande. Les vautours, moi j'ai eu occasion d'en voir en Quaticook, là. 8 gros vautours autour de mon auto, c'est gros. Mais ils attendent que tu sois mort à terre, puis que tu ne te débattes pas pour venir se prendre un lunch. Dans le cas qui me concernait, c'est le cas d'un chevreuil. Mais j'ai remarqué qu'aussi gros que ça puisse être, tu sais, quand tu es assis dans ton auto, puis que tu vois la tête du vautour dans ta fenêtre, tu dis, c'est un gros poulet, ça, là. J'ai dit qu'on pourrait nourrir une grosse famille avec un de ceux-là. Mais tu sais que si tu ouvres ta fenêtre, il peut s'essayer un petit coup de bec. Puis c'est pas beau, hein? Ça a tout le porte-plume sur la tête, là. C'est assez spécial. Et puis, je peux vous dire une chose, quand vous êtes pris avec des vautours dans votre vie, là, du monde qui cherche à ce que vous soyez des cadavres, il ne faut pas manifester un sentiment d'impuissance. Parce qu'ils ont bien du fun à fesser là-dedans. Donc, une bonne idée, ça demande à être défendu. Parce que ça occasionne de la jalousie. Ça occasionne des situations de combat, de rapport de force avec votre environnement. Et pensez pas que vos proches vous supportent tout le temps. Parce que quand ça réussit beaucoup, beaucoup, s'ils partagent pas, puis qu'ils n'ont pas la même quantité de viande dans leurs assiettes que vous, ils sont nécessairement en combat avec vous, même s'ils vous disent « Bonjour, comment ça va vous? » Non, ils veulent vous manger plus que les oreilles. Ils veulent vous en découper un morceau à hauteur de la bédaine. Donc, ça demande une bonne idée pour arriver à des résultats, à une guerre. Il faut que vous soyez toujours prêt à faire la guerre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez comprendre à un moment donné qu'un animal, ça a essentiellement besoin de deux choses, manger et chier. Il mange tout ce qu'il peut, même si c'est dans ton assiette, et il chie dessus après, avec ce qu'il vient de manger de ta personne. Vous n'aimez pas l'image, hein? Mais la bonne idée, là, elle est testée juste qu'à sa zone de finition et de réalisation. Vous avez une bonne idée, c'est un départ. Une réalisation, c'est une finalité. Votre idée va être testée jusqu'à sa finalité et va être testée pour être placée devant un potentiel d'échec. Une bonne idée, c'est drôle, on aurait tendance à dire « Hey, wow, tout le monde en a besoin ». Tout le monde en a besoin s'ils ont quelque chose dans leur assiette. Mais s'ils sont privés de manger dans le résultat, d'avoir quelque chose qui vient du résultat, ça devient une guerre contre, automatiquement. Comprendre cette ligne de conduite-là, ça comprend pourquoi une idée devient mauvaise. Parce qu'elle occasionne justement un combat. Une idée qui s'en va vers son résultat peut devenir mauvaise à cause de l'adversité. Très important de comprendre ce point-là. L'adversité, ça peut faire d'une bonne idée une mauvaise idée. Mauvaise dans le sens que le résultat ne peut pas s'atteindre. Dans le sens que, tu sais, ils ont inventé bien des choses dans le passé. On avait un de nos amis, la Belle, tu te souviens de la Belle? Il avait inventé un carburateur, là, tu pouvais, avec un Jeep, tu pouvais faire 80 000 au gallon. Hein. Il y a du monde qui sont arrivés dans son garage, qui ont dit, si tu ne mets pas ça aux poubelles, là, t'es mort. OK. Il y avait une bonne idée, il y avait une belle invention, mais le cartel du pétrole n'avait pas le goût de voir une bébelle de même atterrir chez GM ou chez Chrysler ou peu importe. Il y avait une bonne idée, il y avait une super invention, mais le timing n'était pas bon. Il n'était pas le temps. Là. Il y avait trop de pétrole à brûler. L'évolution d'une planète, c'est une évolution lente. Et l'importance d'une bonne idée, elle prend sa valeur dans le temps, donc dans la longueur de sa capacité de s'appliquer. Plus une chose est applicable, plus elle est partagée dans son application, plus elle va être populaire. Moi, j'ai des bonnes idées, mon travail, mais je suis en avant de mon temps. Si je me dépêche à ça, j'aurai une balle dans le front. Fait que c'est sûr que quand je rêve, je me vois comme un extraterrestre qui a des pouvoirs extraordinaires sur la planète. Ça me donne le courage de me lever le matin. Mais fondamentalement, je sais très bien que ce que je vous parle, il faut que ça soit en circuit fermé et pas publicité, puis pas de radio, pas de télévision, pas rien. Parce que c'est trop choquant et ça impose trop de combats pour que les gens puissent arriver à une application là-dedans, parce que ça bouleverserait tellement de choses qu'il faut qu'il y ait beaucoup de choses de bouleversées pour que ça puisse apparaître. Parce que là, quand un million de choses sont bouleversées, bien, arriver avec une nouvelle idée, donc avec un autre type de résultat, ça passe inaperçu dans la masse des idées et des résultats potentiels. Donc, comprenez bien ça, le point qu'une bonne idée peut devenir mauvaise à cause de l'adversité, et que c'est inévitable qu'une bonne idée va avoir de l'adversité. C'est inévitable. Toute invention, toute capacité de créer quelque chose de nouveau, n'oubliez jamais, jamais, jamais de le partager. Tu sais, moi, souvent, quand j'étais jeune, ils me disaient « Hey, ça, c'est une bonne idée. Wow, wow, wow. Tu es aussi intelligent, toi. Tu devais être capable d'en faire pareil. » Je disais tout le temps à l'autre qu'il était capable de faire pareil pour ne pas l'avoir sur le dos. Tu sais, parce que si j'avais dit « Bien, c'est ça, je suis plein intelligent, je suis un génie, toi, t'es une tarte, puis moi, je suis meilleur. » Puis paye-moi pour m'écouter. Là, je ne pensais pas, c'était clair. Mais il dit, hey, toi avec, tu le sais. À ce temps, tu sais la même chose que moi. Oui, vas-y, fais-le, vends-le. Non, ça, il fallait le partager. Toujours partager ton assiette, tout le temps, tout le temps. Contenir, c'est de la compétence. Une idée, j'ai inventé une bebelle, moi, pour faire des analyses de compatibilité. On a même parti une compagnie pour ça. Comment analyser une relation pour savoir si ça va bien fonctionner ou pas, ou s'il y a des problèmes, c'est quoi, où ils sont, dans quel secteur que ça se passe. J'avais tout ça. 7 ans d'études sur le terrain, là, à le faire vivre puis à l'appliquer avec les gens pour voir réellement si ça tenait le bout. Développer une compétence là-dedans. T'sais? Ouais, ça marche. Au bout de 7 ans, je dis ouais, ça marche. J'ai attendu un autre 10-12 ans pour avoir les fonds ou les conditions pour pouvoir permettre à ce que ça puisse s'adapter dans les besoins. Apparaît les fameux centres de rencontre, là, les lignes, tu te maries dans une semaine, là, genre. Puis là, je disais, c'est la bébelle idéale. Pourquoi? L'analyse du coup de foudre, telle chose font que, bon, ben là, ça devrait fonctionner. T'sais. Tout ça. Mais ça, c'est le marché. Aïe, aïe, aïe, quelle découverte. C'est là que j'ai vu que le monde n'était pas sérieux. En amour, ils veulent fourrer. On fourre, on est bien, on est heureux. Ça ne fourre plus, on veut savoir pourquoi. Ou on ne veut pas savoir pourquoi, on s'en trouve un autre. Ça se limite à ça. J'ai dit, ouais, attends une minute là. On va voir un gars qui s'occupait de places de rencontre. J'ai dit, j'ai un paquet de vedettes, là, Farrah Fawcett, Bundchen, la mannequin brésilienne. Ah, il dit, celle-là, il dit, ça me tente, tu sais si je suis compatible avec. Ah, j'ai un bon score, ça donne 80% sur le physique, ça, c'est ça. Il dit, je veux pas savoir si ça marche, ça coûte combien avoir une date avec. Tu sais, c'est. Ça coûte combien? C'est quoi tu veux dire? Là? Tu veux pas savoir si t'as une compatibilité avec. Non, non, ça coûte combien? Je veux pas passer mes vies avec. Ça doit être compliqué comme le maudit. Avoir une fille qui est au parti. Puis belle de même, tu vas te la faire voler, tu sais. Pop, pop, pop, pop. C'est de l'animal, l'animal, l'animal. Les filles, je dis, vous avez. Ah, nous autres, c'est le feeling. Comment qu'on se sent avec le gars? Il me désire-tu? Ouais, tu me désires. C'est pas ça qu'il va faire que le gars va faire la vaisselle avec toi, là. Il tombe le gazon. Ah, ben s'il me désire beaucoup, il va être obligé. Ah, mais t'as rien compris. Là, quand ça va mal, là, tu veux savoir pourquoi. Là, ça t'intéresse de faire de la psychologie. Puis si le gars, ça ne l'intéresse pas, c'est quoi votre point de contact? Ah, bien, au moins, je vais savoir pourquoi il m'a lâché. J'ai dit, hey, mon système, on oublie ça. Puis un de mes chums voulait le récupérer juste pour les compatibilités sexuelles. J'ai dit, écoute, c'est pas l'objectif de mon affaire. Moi, là, j'ai inventé ça pour que le monde puisse s'analyser pour pouvoir trouver comment correspondre ensemble puis s'ajuster dans les situations. Alors, c'est le cul, t'as bien vu, là. Ils disent, on a fait des tests, puis tout le monde veut juste ça. OK! C'était une mauvaise bonne idée. Donc, c'était une très mauvaise décision de vouloir continuer là-dedans. Hey, on avait mis 50 000, là. Elle a remboursé tout le monde. J'ai dit, non, it's over. Ça va être pour une autre vie. Une mauvaise bonne idée. C'est une affaire qui n'a pas de timing. C'est pas le bon timing. C'est pas le temps de dire ça. C'est pas le temps de le dire comme ça. C'est pas le temps que les gens veulent avoir. Ils veulent pas partager l'assiette. Ils veulent manger d'autres choses que cette assiette-là. Quand vous avez des idées, essayez tout le temps. Quand vous faites des études de marché, là, parce que moi, j'ai étudié en marketing, puis tu peux pas lancer un produit, tu peux pas lancer une idée, tu peux pas faire rien, tu peux pas avoir de résultats si tu n'as pas fait une étude de marché. Ton étude de marché, c'est est-ce que tu es capable de partager cette idée-là? Est-ce que les gens vont manger dans ton assiette? Si les gens ne mangent pas dans ton assiette, l'idée n'est pas bonne. C'est simple de même. Donc, tout ce qui peut évoluer est beaucoup en fonction d'une capacité de s'adapter. Vous allez évoluer dans une adaptation. Parce que les efforts que vous allez mettre à développer une intelligence pour s'adapter, moi, j'ai passé au-dessus de 45 000 consultations dans ma vie. Il y a au moins 90 % des gens que j'ai eus en consultation qui c'était pour des problèmes de couple ou d'association d'affaires. 95 % Fait que, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai développé un système d'analyse de compatibilité. Mais le monde n'en veut pas. Mais le monde veut régler les problèmes de compatibilité. C'est con, hein? Ils veulent le savoir, mais ils ne veulent pas le changer. Donc, il faut que tu t'adaptes à ça. Tu dis, écoutez, idéalement, là, quand vous ne vous entendez pas avec quelqu'un, vous le tuez. Vous éliminez le problème. Mais comme dans la société, on ne vous le permet pas, mais vous êtes obligé de faire l'effort de vous entendre. Des accommodements raisonnables. On ne peut pas sortir tous les Arabes, tous les Noirs, tous les Sikhs. Fait qu'il ne faut pas être raciste, il faut simplement s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire être un petit peu dans la tête de l'autre, puis lui est un petit peu dans l'autre. Ah, mais il ne veut pas être dans la mienne. Bien, peut-être que c'est parce que vous êtes plus évolué, puis que c'est difficile pour lui d'atteindre votre registre ou votre niveau de compréhension des événements. Fait que, aidez-les. Tu sais? Bien, il ne veut rien savoir, il ne veut pas m'écouter, il veut juste parler dans sa langue. Il y a des problèmes qui vous apparaissent insolubles, mais. Si vous emmenez votre arabe en skidou, puis qu'il est pris dans la neige, il a avantage à parler votre langue. Sinon, il risque de rester là. Il va sacrer un Québécois. Oui, il va sacrer un Québécois, puis il va surtout rester gelé sur le skidou. Il y a des événements qui font que c'est plus facile de s'adapter quand il y a une crise. Donc, partez pas du principe très spirituel et léger que les gens vont s'adapter s'ils n'ont pas besoin de s'adapter. Il faut qu'ils aient besoin de s'adapter. Et la survie, c'est le plus beau jouet des forces. Quand on dit les forces, là, où est-ce qu'ils ont le plaisir de nous faire évoluer? Bien, c'est pas compliqué, les forces. Ils te mettent en mal, puis là, tu cries, « Ah, j'ai besoin de Dieu! » Et puis là, Dieu, c'est eux autres, fait qu'ils se présentent, ils te trouvent une solution, et là, tu dis, « Ouf, j'ai réussi à m'en sortir. » Tu dis pas, « Les forces m'ont aidé à m'en sortir. » Non, tu récupères le crédit, j'ai réussi à m'en sortir. Là, tu es encore en situation de crise, puis là, ton « je », il n'y a pas de solution. Là, encore, « Allah, Dieu, ta-la-la, les forces, sortez-moi du trou. » Là, les forces reviennent. On dit, t'as pas compris la première fois que c'était nous autres. Hein? Et puis là, ils te ressortent du trou en te donnant une bonne idée. Puis là, encore là, j'ai eu une bonne idée. Oh, ils comprennent pas vite, celle-là. Fait que plusieurs crises plus tard, plusieurs grosses crises, parce qu'ils grossissent d'une fois à l'autre, parce que t'as toujours pas compris que c'est pas toi qui règle le problème. Là, plusieurs crises plus tard, tu finis par comprendre que, bon, il y a quelque chose qui mène le show qui est pas mal plus intelligent que toi. Puis c'est pas le voisin d'à côté, c'est d'autres choses qui te passent dans le cadran. Là, à partir du fait qu'eux autres sont là, toute mauvaise idée est provoquée par le fait que tu t'ostines à vouloir être seul à régler quelque chose. Donc, ça revient tout le temps à partager la tarte. Tu partages ton repas avec ton voisin, ça fait meilleure relation. Tu partages le crédit de ton acte ou de ton résultat avec les forces. Et là, ça donne une meilleure relation. Tu finis par comprendre que si tu partages avec eux autres tout le temps, ça te fait des chums solides en situation de crise. Et là, tu t'adaptes. Je vous l'ai dit, on s'adapte tout le temps quand on est forcé de s'adapter. Les gens ne s'adaptent pas naturellement. Il y a combien de vous autres qui veulent chercher à s'adapter? Vous autres, vous voulez installer votre petit confort. Puis une fois que vous avez votre petit confort, vous ne voulez plus que ça change. Vous êtes confortable. Donc, il vous faut une situation de crise pour transformer votre petit confort en papier sablé. Tu sais, dormir sur un lit, là, ou le matelas, c'est du papier sablé. T'as le goût de changer quelque chose, hein? T'as le goût de changer tes couvertes, t'as le goût de changer ton matelas, t'as le goût de changer un paquet d'affaires. Pensez au fakir qui couche une planche à clous. C'est là qu'il étudie les vis, qu'il étudie les grosseurs de vis. C'est plus confortable sur une petite vis large qu'une vis mince, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça adapte. Ça pique, calice. Fait que l'individu s'adapte dans des zones de crise, il devient plus intelligent, plus observateur, puis son idée continue d'avoir une bonne direction, donc une possibilité de résultat, mais jamais un résultat final, parce que les forces veillent au grain. Ils ne veulent pas que vous ayez une décision finale. Ils veulent que vous ayez une décision qui est encourageante. C'est encourageant de décider de même. C'est bon. Tu sais, c'est comme quand on tire. Les chasseurs tirent 3 balles. Une partie de chasse, là, c'est 3-4 balles. Une coupe de balles pour ajuster le télescope. Puis une balle pour le chevreuil, pour l'orignal. Nous autres, les clowns, on s'enligne sur des cibles puis on tire du 80-85 balles l'un après-midi. Le chasseur, il mord de rire. Vous dites, t'as juste besoin d'une balle. La façon que tu tires dans 6 pouces, c'est correct. Ton gars, ton animal, il va tomber à terre. Toi, on ne veut pas faire tomber la cible, on veut que la cible ait des points au centre. C'est deux mondes différents. Mais les deux peuvent s'aider. Tu sais, un gars, il dit, tu tires, toi, t'es assis. Quel mérite que t'as. Lève-toi donc ta carabine, puis tire donc de bout. Oups, là, la mienne, elle pèse 15 livres, la tienne, elle pèse 6 livres. De bout, là, ça va bouger pas mal. Bon, ben, c'est pas si bon que ça. Les deux peuvent s'aider à regarder les choses différemment, à s'entraîner différemment. Fait que dans votre adaptation, si vous partagez votre repas avec d'autres, les gens vont vous faire évoluer, vous allez faire évoluer les gens, puis si vous n'êtes pas sur le jeu, vous allez voir que ça évolue. Si vous vous appliquez à ce que ça évolue, plutôt que vous évoluez, vous allez voir que la relation a beaucoup de permanence. Fait qu'une bonne idée, c'est dans son résultat qu'on voit la chose. Mais si votre bonne idée, on vous avait dit en commençant, dans 18 ans, tu vas voir apparaître ce que tu as pensé au départ. Dans 18 ans, auriez-vous toffé la rogne? C'est long, là. Si moi, je tiens 5 000 balles par année, dans 18 ans, ça fait-tu de la balle, ça, mon homme? J'ai pas calculé, mais ça n'en fait pas mal. Là, après ça, tu vas te dire, ouais, moi, j'ai une bonne idée, je veux des résultats, je veux que ça me paye. 5 000 balles par année, là, j'y vois une pièce la balle, puis ça coûte plus cher que ça. Fait qu'on y va à 5 000 pièces par année, 18 ans. Sais-tu que 18 ans, 5 000 pièces par année, c'est quoi le résultat que je m'attends, là? Il faut que j'aime ça. Point final. Une bonne idée est toujours une bonne idée, peu importe le résultat, si vous aimez ça. C'est quoi un bon mariage? C'est pas marier la femme parfaite ou l'homme parfait, non. C'est d'aimer ça 20 ans, 30 ans de temps. Il y en a combien aujourd'hui qui aiment ça 20 ans, 30 ans de temps? Je parle pas d'un orgasme là, de 20 ans, 30 ans de temps. Là. Rêvez pas, là, ça n'existe pas. Mais de pouvoir dire que passer 20 ans avec la personne, puis d'aimer ça au bout de 20 ans, waouh, c'est pas parce qu'il est parfait, hein, on s'entend-tu? C'est parce que tu supportes une idée. Tu ne supportes pas le couple. Tu supportes l'idée que tu as d'être avec quelqu'un longtemps. Hein? Si tu aimes l'idée d'être avec quelqu'un longtemps, tu as une bonne idée de couple. Là, tu vas dire, si on divorce, on vient de casser notre idée d'être ensemble. Non. Pas si la vision que tu avais, c'était d'être avec cette personne-là. Si tu as découvert dans le couple que ce qui faisait l'harmonie, c'était l'échange, principalement sur des secteurs qui sont vitaux, qui tiennent en santé, qui tiennent en équilibre, bien là, tu peux être avec ton ex puis, ou d'autres personnes longtemps parce que vous avez le plaisir d'être ensemble. Vous me suivez? Mais là, si vous voulez être propriétaire de la relation, c'est là que le party commence à être difficile. C'est là que la bonne idée peut devenir une mauvaise idée. Parce que s'il faut que tu pompes, quand vous conduisez, là, vous ne rentrez pas l'exhaust de l'auto dans votre char. Hein? Tu sais, tu conduis, tu te mets un tuyau, tu te mets ça dans l'auto. Tu ne feras pas ben 10 millages. À un moment donné, tu vas... tu sais, j'aime ça rouler, là, mais fuck, c'est donc bien dur vivre avec ça. Il ne faut pas que tu aies l'exhaust ou les retours de gaz dans la maison, c'est-à-dire dans le cadre. Fait que moi, j'avais un principe. Quand on s'engueulait, on allait au restaurant. Et puis, si tu avais à monter sur la table, tu te contenais. Tu sais, quand tu peux être bien choqué, tu peux lancer de la vaisselle. En tout cas, tu n'as pas connu ça. Moi, j'ai connu ça. Et puis, tu peux recevoir. Puis, tu peux encore aussi. Puis, ça coûte cher. Surtout quand c'est toi qui payes. Mais au restaurant, moi, j'ai trouvé que c'était moins dispendieux, la vaisselle. Parce que la personne se contient, fait plus attention. Fait qu'il n'y a pas d'exhaust qui revient dans la maison. Fait que vivre avec quelqu'un, c'est toujours vivre qu'est-ce qu'on contient. Tu sais, les gens, à cette heure, ils ne se contiennent plus, fait qu'ils se laissent... Accepte-moi tel que je suis! Ben oui, tel que tu es, c'est pas vivable. Mais si tu te contiens, ça va être viable. Fait que tu composes avec le qu'est-ce qui crée, qu'est-ce qui engendre, qu'est-ce qui se développe. Et là, à partir de là, c'est une bonne idée d'être à deux, à trois, à quatre, à dix, parce que tu bénéficies de la compétence de l'autre, de son évolution, de sa dynamique de vie. J'ai plus de permanence avec mes amis qu'avec un couple. Puis, revivre en couple, je me vois là-dedans, si je ne sais même pas comment tu as fait un mois avec n'importe qui. Fait qu'il y a quelque chose que j'ai compris. L'autre a besoin d'air, moi j'ai besoin d'air, j'aime pas ça me faire critiquer. Puis, vous n'aurez pas de diplôme à vous faire critiquer en passant. Faire critiquer, là, tu sais, quelqu'un qui vous tombe sur la tomate, là, peu importe la raison, il n'y a personne qui donne des cours là-dessus. Donc, c'est de l'exhaust, c'est du matériel qui se brûle. Puis, plus tu es critiqué, plus tu te forges l'identité, parce qu'à force d'être rejeté, là, tu finis que tu te dis, ben moi, le tabarnak, ce que je veux dans la vie, c'est ça. Ça, on m'a laissé sur le tape. Puis l'évolution d'un individu, c'est l'évolution dans un combat. Tu ne peux pas échapper au combat dans la vie. Fait que ta permanence n'est pas basée sur le fait que c'est facile, elle est basée sur ta capacité d'encaisser du combat. Combat, tu te lèves le matin pour aller travailler, c'est un combat. Tu travailles fort pour passer de 15 $ à 25 $ à 50 $ à 125 $ à 250 $ Il y a un combat là-dedans, il y a un combat mental. Fait que quand l'évolution de l'individu en arrive à faire ces prises de conscience-là, il se rend compte que peu importe la décision qu'il prend, qui est en combinaison avec d'autres, c'est toujours des décisions qui vont exiger un combat. Il s'aligne à penser qu'il y a un combat à faire, et puis la permanence va s'installer par la capacité de résister à l'adversité. Puis là, bien, l'idée devient bonne tout le temps. Et on dit à ce moment-là, quand on est dans le supramental, on ne fait jamais d'erreur. Savez-vous pourquoi que je ne fais jamais d'erreur? Pas parce que je suis Dieu, ça tout le monde le constate, mais je n'ai pas besoin de me l'affirmer moi-même. OK? C'est simplement parce que je suis capable de tout m'expliquer, même qu'est-ce qui va mal. Et que dans la lecture, tu peux dire, « Ah, j'ai fait ça pour ça, ça, ça a amené à ça. J'ai perdu ma compétition, ça, c'était les balles, les douilles en nickel, c'était le vent, il était plus fort que d'habitude. Je sors de là, moi, je suis au winner, j'ai été chercher quelque chose, tout le temps. Mais dans le résultat, on dit, « Ah, ben, t'es classé 12e. » Bon, 12e, mais avec plus d'expérience. Ben, tu sais, 12e sur 12, quand même pas si pire. On était 12. Fait que l'évolution d'un individu dans la lecture est plus importante que l'évolution de l'individu dans les résultats. Les résultats n'étant simplement qu'une étape dans une expérience de vie. C'est simple. OK, allez-y pour les questions. C'est simple à date, hein? Oui, ben, l'allure. Est-ce que c'est possible de rationaliser une transe? Jusqu'où, mettons, la rationalisation? Mettons, d'avoir une bonne idée, une mauvaise idée, tout ça, le processus de dire qu'il faut peut-être la contenance pour l'appliquer. Tu parles de rationaliser dans le sens de justifier, toi? Oui, mettons, ce que okay. Tu dis, de donner la justification à toutes tes mauvaises idées ou les bonnes idées, c'est de la rationalisation. Oui, mais la rationalisation. Est-ce qu'il y a une limite à ça? Quand tu fais le ménage chez vous, tu rationalises. Okay. Quand tu dis, laissez-moi un spaghetti, mettons. Tu t'en vas au restaurant, tu dis, j'en ai trop. Puis tu dis à l'hôtesse, pouvez-vous me faire un doggy bag? Je peux-tu le ramener? C'est rationalisé. Mm-hmm. C'est une ration X que tu es capable de manger, puis l'autre, tu vas manger plus tard. Il n'y a rien. La rationalisation, ce n'est pas un défaut en soi. C'est simplement l'expression d'un ordre. Moi, je considère que j'ai pas un mental rationnel à outrance parce que je me laisse aller dans une expérience où mon intellect n'intervient pas, mais je peux facilement comprendre l'expérience, donc je peux facilement expliquer l'expérience que je vis après coup. C'est comme faire de l'ordre après avoir fait un party. Tu fais un party, puis tu fais du ménage après. Là. Pour moi, être un être rationnel, c'est un individu qui fait, qui fait du ménage dans une mémoire. L'effet pervers de... Je pense aux terroristes là, qui sont capables de justifier leur acte, de, mettons, de guerre jusqu'à la mort. Pas de problème. OK. Ça fait partie des forces qui fait que ça fait partie de l'expérience, que ce soit collective ou individuelle. Faut que tu te parles du principe que tu analyses un événement. Mm-hmm. Tu n'analyses pas un groupe d'individus. Pourquoi il y a de la guerre sur la planète? Point. C'est parce qu'il y a des idées. Ça veut dire qu'il y a des religions. Il y a des gens qui, dans leurs idées, vont croire. C'est quoi la base même du supramental? C'est pas croire. Mm-hmm. Tu chips ça sur la planète, faut pas croire. Puis toute personne qui croit à une idée à outrance, au point de créer un déséquilibre dans son environnement, quand tu tues du monde, tu crées quand même un certain déséquilibre. Mm-hmm. OK? Bon, donc... Moi, j'ai tendance à dire que s'il n'y avait pas de religion, il n'y aurait pas de guerre. Parce que si tu es capable d'emmener une religion à vouloir te donner le droit de tuer, il y a un déséquilibre là-dedans. Là. Fait que, bon, OK, disons que ça fait partie d'une rationalité. Il y a des gens qui se donnent le droit de tuer pour des idées. Il va y avoir d'autres idées qui vont devoir se battre contre ces idées-là. et il va y avoir un ménage qui va se faire là-dedans. Mm-hmm. Part toujours du principe que c'est pas toi qui penses. Donc, c'est les forces qui mènent le show. On connaît déjà l'échéance. On connaît déjà le résultat. Même si ça doit durer 100 ans, on connaît déjà le résultat. Qu'est-ce qui peut être plus viral ou... Ah, tu parles de l'affaire, c'est bien. Ça, c'est une force. Ah, oui. Mais mettons qu'on part du principe qu'il n'y a personne sur la planète qui pense, OK? Mm-hmm. Puis que c'est permis. C'est permis. C'est parce qu'en quelque part, si eux autres font des excès, l'État islamique, il y a aussi d'autres ingrédients sur la planète qui font des excès. Oui, tu sais, il y a trop de drogue, il y a trop de sexe, il y a trop de ci et trop de ça, tu sais. T'as un milieu ultra-conservateur qui se bat contre un milieu ultra-dilaté. Les Américains, pour moi, ils détiennent pas la ligne de pensée absolue, là. Il y a beaucoup, beaucoup d'excès là, dans la culture américaine. Et puis, bon, là, il y a des Chinois qui sont quand même assez conservateurs, qui ont des cultures qui ont fonctionné pendant X temps. Il ne faut pas oublier aussi que la planète, c'est un gros terrain de jeu pour vivre des expériences. Fait que ça se comprend. Donc, ça se rationalise. Tu peux rationaliser. C'est pas rationnel de vendre des armes à l'Arabie saoudite avec... Ils sont contre toutes les valeurs qu'on a. Ils ont financé l'État islamique. Ils ont financé un paquet de... On lui fournit des armes. Pourquoi? Parce que le monde vive juste avec l'argent. Bon, OK, c'est plus facile de classer un achat, ça vaut tant, papa, tu sais. On peut pas aller contre la richesse en soi, mais on peut aller contre l'argent en soi. On peut aller contre un paquet d'affaires. Tout peut se comprendre, tout peut s'analyser, puis dire, bon, ben telle chose, c'est faite pour telle chose. Pourquoi il y en a qui sont pauvres, puis... Pourquoi il y en a qui sont pauvres, puis qui sont intelligents, puis il y en a d'autres qui sont riches, qui sont des astis d'idiots? Il n'y a pas à me dire qu'il y a un gars qui est plein aux os, puis qui est sur la dope par de ses oreilles, un artiste, n'importe quoi. Tu sais, un gars comme Mayweather, là, le boxeur, qui a fait 300 millions cette année. Là. Écoute bien, là, taper la gueule de quelqu'un, tu fais 300 millions. Puis l'autre qui travaille à sauver des vies, ambulancier, calice, il va avoir de la misère à fermer son année avec 40 000 piastres dans son compte. Qui c'est qui est intelligent là-dedans? Là? Moi, je vois rien d'intelligent là-dedans. Intelligent, pour moi, c'est... Assumer des défis, tu vis, tu réponds à tes besoins, tu te bats pour répondre à tes besoins. Pour moi, quelqu'un qui est un survivor, c'est quelqu'un d'intelligent. Survivre, pour moi, c'est ça de l'intelligence. Le plus beau jouet des forces, c'est d'être cuissé dans la survie, puis c'est « Ah ouais, le zozo, là, sors-toi-en. » Ça, pour moi, il y a de l'intelligence là-dedans. Pas quelqu'un qui tout est facile. J'aurais jamais de respect pour quelqu'un que tout est facile. Jamais. Mais là, tu vas dire, ton opinion, elle compte pas gros. Je sais, elle compte pas gros. J'ai jamais voulu qu'elle compte gros. Okay, rationnel. Tout s'explique. Il n'y a pas de problème à ça. C'est pas parce que tu donnes le droit de faire des folies que ça établit que c'est pas valable. Ça fait juste que c'est permis. Moi, je regarde tout le temps le fait que les forces, pourquoi qu'ils permettent ça? Bon, OK. Super. Bien, ultimement, c'est pas vous autres qui pensez, ultimement. Fait que les idées que vous avez, c'est pour votre expérience personnelle. Fait qu'il n'y a pas d'idée qui est mauvaise en soi. Mais une idée, égoïquement, peut être perçue comme mauvaise parce qu'elle ne donne pas le résultat que tu escomptes égoïquement parlant. Mais si vous passez un autre niveau de langage, si vous passez avec le fait que vous êtes des canaux, vous allez comprendre que vous êtes utilisé. Que vous n'avez pas de droit de vie réel. Vous êtes en vie, mais vous n'avez pas de droit de vie. C'est juste qu'on vous a programmé pour faire certaines choses et que vous ne pouvez pas dévier de ça. Parce que si ce n'est pas vous autres qui pensent, ce n'est pas vous autres qui décident. Et partant de ce principe-là, vous êtes dans une pièce de théâtre, je le répète souvent, ça, là. Mais vous êtes dans une pièce de théâtre, puis moi j'ai un rôle à jouer dans la pièce de théâtre, mes considérations personnelles sur la société, la vie, c'est des confrontations avec ce qui se passe dans la réalité et comment je voudrais voir ma vie ou vivre la vie ou avoir un environnement X. Fait que c'est toujours pour mon confort que je regarde la vie d'accord, pas d'accord. Je suis pas d'accord qu'on mange la viande tant qu'à y être, tu sais. Mais Chris, un bon steak, c'est un bon steak pareil. Mais si je verrais le bœuf se faire tuer, je serais pas sûr que je serais capable de manger le steak, moi-là. Là. Fait que l'évolution d'une vie, c'est une évolution qui est très occulte. Parce que... Occulte, pourquoi? C'est parce que c'est caché à votre conscience, à votre logique, à votre réel. Tu sais, il me parle de rationalité. Oui, tout est rationnel quand tu es capable de tout comprendre. Tout s'explique. Je suis capable d'avoir accès à tout s'explique. Fait que, il faut être conscient. T'sais, c'est sûr que tant et aussi longtemps que vous avez une pensée en jeu, vous ne serez jamais intelligent. Oublie ça. Tu es une femme extrêmement éduquée, tu parles quatre langues, tu vas être millionnaire, ultra-millionnaire dans pas grand temps. Ça ne donne pas plus d'intelligence. Ça fait juste te donner des moyens de vivre des expériences. Mais ça ne te rend pas plus intelligent. Fait qu'intelligente comme tu es aujourd'hui, tu as des chances d'être plus intelligente aujourd'hui parce que tu as moins de moyens, encore que tu en as beaucoup. Mais ta façon de gérer et ta façon de faire te rend pas plus intelligente. Tu feras pas un cycle du soleil avec ce que tu as. Ton évolution est une évolution qui est très standard, très normale, très avec des moyens, du tout. Puis moi, avec pas de moyens, je peux être plus intelligent que toi jusqu'à la fin de tes jours. Fait que, sur quelle base qu'on regarde ça, Lévi? On regarde ça au niveau du jeu? Ou on regarde ça au niveau de à quoi qu'on participe? Moi, je suis intéressé à voir à quoi je participe. Je participe à quoi dans la vie? C'est là qu'est mon intérêt. Pour moi, il n'y a pas de personne plus importante que d'autres. Il y a des évolutions plus lentes ou plus rapides que d'autres. Étant donné que j'aime beaucoup, beaucoup la vitesse, j'adore faire la vitesse, mais j'adore que les gens évoluent vite. Quand une personne, je ne suis pas confortable avec, c'est parce qu'habituellement, parce qu'elle est lente à comprendre. Ça, c'est ma souffrance. Mais ça ne dépend pas de ses moyens. Que tu sois riche ou pauvre ou n'importe quoi, si tu es rapide, j'adore. Et la vie. Être intelligent, là, on va dire, c'est tellement simple. Plutôt que de dire j'aime le monde, moi je dis j'échange avec le monde. Ben, tu as une capacité limite d'échanger. Ben, si tu as une capacité limite d'échanger, ben, ton intelligence, le contour de ton intelligence, c'est la limite de ton échange. Là, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour que l'autre s'en sorte? Comment tu partages ton pas? Moi, j'ai accès à beaucoup d'informations. Je ne sais même pas. J'ai jamais fait le tour de ma jungle, de ma forêt, pour savoir jusqu'à ça pouvait aller. Mais je sais que je n'aurais pas le temps dans une vie d'échanger autant que c'est possible. Même 24 heures sur 24, ça ne serait pas possible. Puis je considère être sous-utilisé. T'sais. Le corps humain qui est une grosse limite. Tu as le corps qui te dit, ben là, il faut que tu dormes, là, tu t'occupes de ci, tu t'occupes de ça. C'est-tu l'émotion qui donne le goût du combat? C'est quoi du combat? L'émotion qui donne le goût du combat. Donc, qu'est-ce qui donne le feu pour le combat? Ben, moi, je considère que quand tu as un objectif, peu importe sa motivation, que ce soit à caractère émotionnel ou mental ou intellectuel, moi, j'aime beaucoup les défis intellectuels, là, les défis d'idées, là, les défis de... C'est comme là, je suis dans la bourse, là, puis je suis en train de régulariser mon char. Je fais 1000 pièces par jour. Faites une semaine de 5000. Bien, je régularise. 5000, tu gagnes 5000, puis là, à la fin du mois, tu payes 20 000, là, c'est pas bon. Il faut que tu régularises. Fait que c'est un combat. Je vis un combat où je m'impose un horaire, puis... Là, j'ai trouvé le truc, là, c'est travailler de 2h à 4h du matin, aller me coucher jusqu'à 8h, 8h30, me lever, puis retrader là, parce que c'est dans le punch, je réouvre ici. Et puis après ça, aller me coucher jusqu'à 2-3 heures l'après-midi. Je suis capable de faire ça, je suis capable de faire 1000 piastres par jour. Je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable de faire ça. Tu sais, je veux dire, ça marchera pas. Fait que c'est une affaire de disponibilité, le marché. Puis, tu sais, quand tu comprends la game, là, ben là, tu as joué la game, tu joues pas. Fait que c'est un combat. Mais ça va à peine 1000 piastres par jour. Puis ça, c'est au début. Parce qu'à un moment donné, tu vas en faire 2000, 3000, 4000, t'as plus de fond. T'as dit, ça fait bien des fois, mais ça n'a plus de fond dans le sens que tu dors plus. Ou tu fais ta santé. Mais est-ce que l'émotion, c'est pas à l'origine de ne pas être capable de voir le problème? Il y a un problème qui existe. Non, c'est les systèmes de valeurs qui sont pires. Les gens sont plus dans les systèmes de valeurs. Vos conditionnements, comment vous avez été formaté dans votre éducation, dans votre enfance, c'est ça le plus gros obstacle. C'est ce qui empêche un individu d'être intelligent. OK. Non, je pense que l'objectif qu'une personne se donne dans la vie qui est basé sur le pourquoi elle est venue au monde, tu sais, il y a une raison pourquoi t'es né, bien, cet objectif-là, quand il est bien assumé, je peux pas voir que quelqu'un peut être loser, là, il peut juste gagner, à améliorer ce qu'il fait, puis surtout à comment il comprend les événements. Est-ce qu'on doit être absolument dans une condition de survie? Donc, ça aide. Relative pour ça aide. Réellement s'activer? Je courais pas après la bouche, j'étais pas en situation de survie. Il faut que tu sois dans une condition de survie quelconque. Ben, parce que les forces te mettent dans une condition. Oui, oui, okay. Oui. J'adore. Ouais, okay. J'adore parce que quand tu sais que les dés sont pipés, mm-hmm. quand tu sais que tu mourras pas, c'est facile de rouler à 230 en auto quand tu sais que tu ne mourras pas. Mm-hmm. Non, c'est plus savoir quand les forces des deux poils, si tu les vois 100% sûr. Ben, essaye-les. Si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras jamais. Vas-y sur l'idée qui t'a envoyé. Vas-y sur la vibration surtout. L'idée, c'est pas safe. Mais la vibration, ça l'est plus. Si la vibration est claire, elle est claire. Ben, c'est ça, une idée. C'est parce que vous ne référez pas à moi ou à Bernard. Jamais, jamais, jamais. Nous autres, on n'est pas un exemple pour vous autres. On est des demi. Tu sais, les forces nous envoient, ils nous pluguent, puis ils nous font vivre des choses. Mais vous n'êtes pas à ce niveau-là. Il faut que vous deveniez à ce niveau-là. Mais nous autres, on n'est pas un exemple parce que vous ne pourrez jamais faire ce qu'on fait. Vous allez faire ce que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire, ça va être ce que vous pouvez faire. Jamais ce qu'on peut faire. Ce que Bernard a fait et ce que moi je peux faire, c'est deux mondes différents, ça. Là. Commencez par rentrer dans notre monde, ben après ça, on verra. Mais prenez-nous pas en exemple. Vous pouvez dire, ah ben j'ai connu un gars comme j'ai vu un koala. T'sais, moi, j'ai pas vu de koala. Mais en Australie, ils doivent en voir pas mal souvent. J'ai vu des urubus 8 devant mon char qui mangeaient un chevreuil. Tu vis ça? As-tu vécu ça, toi? Non. Puis les chances que tu le vives sont 0 plus 0. Fait que j'ai vécu ça. That's it. Fait qu'il y a des choses que tu as vécues dans ta vie que je n'y verrai jamais. Puis ça t'est propre à ta personne, à ton expérience, puis à tes références. Mais il faut que vous soyez capable de vous mettre au bat. Ça, je peux vous dire ça. Je vous explique c'est quoi une bonne idée, une mauvaise idée, puis... Si basé sur une décision éventuellement, bien, je vous dis, si vous ne vous engagez pas, vous ne pouvez pas avoir des bonnes idées avec des bons résultats. Il faut avoir des idées qui vont toujours être bonnes parce qu'ils n'ont pas été exposées aux tests les vies. Puis je vous dis, dans toute idée qui vise à une décision et à un résultat en final, vous allez avoir un combat, Chris. C'est sûr, sûr, sûr, sûr. Vous allez être testé au fer du combat tout le temps. Moi, la vie, c'est essentiellement une guerre. Contre soi-même, bien, contre soi-même, c'est contre les jeux de l'âme qui essaient de nous manigancer. Bien, quand on est manigancé par l'âme, on a nécessairement un combat à vivre. Les trappes de l'âme, c'est le deuxième sujet, après, à tout à l'heure. Là. Fait que, ça, on vous expliquer ça. Dernière question, tu quelqu'un? S'il dirait dans ma tête, là, ben, je t'appellerai. Tu t'appellerai? Ben, non, parce que t'es maigre. Ah, OK. OK, je me dis... Si, Comment tu gères ça? Comment tu n'as jamais été gros? Si toi jamais tu veux prendre du poids, ben, appelle-moi. J'ai l'expérience. Ben, tu te référais à... J'irais chercher quelqu'un... Non, du tout. Je me tiendrais avec des gens qui ont l'expérience. Tu sais, toi, on peut considérer que tu as l'expérience du poids léger. Mm-hmm. Puis moi, j'ai une expérience du poids lourd. Mm-hmm. Donc, on serait juste à se tenir ensemble. Il y aurait des atomes crochus dans ça. C'est des ambiances. Moi, un bon médecin, c'est quelqu'un qui a une bonne ambiance. Quelqu'un qui va te sauver le cul, là, il est né pour te sauver le cul. OK? Il n'y aura pas d'effort à faire. Il va te sauver le cul parce que, je sais pas, tu as une bonne bouille pour lui. Oui, c'est ça, tout simplement. Moi, les gens qui m'aident dans ma vie, ils sont nés pour venir m'aider et tout. Comme moi, je suis né pour aider du monde. Je ne suis pas plus obligé que ça, mais je suis toujours là pour que ça se fasse. Il crée tout le temps l'échange pour que ça se fasse. C'est simple de même. Vous autres, votre vie, c'est toujours une question de gros contrat signé devant notaire. C'est compliqué, ça n'a pas d'allure. Moi, c'est pas compliqué, ça matche, ça ne matche pas. C'est pas toi qui as choisi ta femme, c'est pas elle qui t'a choisi. Les forces vous ont choisi pour que ça matche ensemble. OK. Puis tout ce que tu penses pour la protéger, ça fait son affaire.